pas si différent des autres, donc j'avance, je laisse des pertes. Quand je rappe, je chie en trop de ça, veut dire que je tèche des perles. J'écris des 16, ils voudraient savoir si je baisse pépère. Je suis qu'un carpe diem, belvédère perpétuel. Je vis dans l'handicap d'être un gentil gars anti-balle. Je m'identifie pas, j'emmerde les gens qui parlent. Mal de wam sort le sale, ma de watt. À vous, entre vous, vous devez vous mettre pas mal de watt dans le cul. Déçu, vos stratégies, je me fous de la danse des chiffres. Votre course à la tentante, je coterie, je mange des chips. Peu réfléchissent, beaucoup dépensent, ils apprennent à se fléchir. Je rappe donc je pense pour que mes onces déchirent. Passe-moi un mic, une take de rhum et j'improvise 3 heures. Je me sens pas seul, la fille, la peine et l'amour, c'est mes 3 sœurs. Je regrette le temps des ghetto blasters. Je dis que la vérité, je me prends pas pour un pseudo-pasteur. Combien on est à faire encore du vrai rap? À retourner la scène au mic, pas de playback. À passer des messages, à remplir des pages, à donner de l'espoir et du partage. Combien on est à faire encore du vrai rap? À retourner la scène au mic, pas de playback. À passer des messages, à remplir des pages, à donner de l'espoir et du partage. Tous mes frères qui brassent frais n'ont pas choisi le rap. Dans ce milieu tu tends la main, gros ça choisit le bras. Ils sont tous très gentils, sympas jusqu'à ce qu'ils parlent. Dans ton dos t'orabaisse pendant qu'ils s'astiquent grave. Prolifique jusqu'à ce que ma folie calme. J'emmerde ces coquilles vides d'honneur de leçons polygame. Trop d'écart, faux décal, des coquets graves, gros dégage, faux départ, t'es qu'une faute fécale. Mes frères c'est les mêmes depuis que je suis né, ça bouge pas. La vie est toute belle quand tu t'éloignes des trous de balles. Fond, forme, face, gros c'est percutant. Si t'aimes pas, m'écoute pas, évite de perdre du temps. La rue m'a fait des courbettes du pied sous la table. Si tu dessous la dalle, il me faut des sous pour la dalle. Indigène, mais je suis pas dans le sens du port du biche. On est combien à faire ce qu'on aime sans opportunisme? Combien on est à faire encore du vrai rap? À retourner la scène au mic, pas de playback. À passer des messages, à remplir des pages, à donner de l'espoir et du partage. Combien on est à faire encore du vrai rap? À retourner la scène au mic, pas de playback. À passer des messages, à remplir des pages, à donner de l'espoir et du partage.